Riff-raff. Riff-raff. Oh, mais c'est du rock'n'roll. Du gros son sur Radio Pro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Pont pour cette nouvelle émission Riff Raff. Alors que va-t-on faire dans Riff Raff ? Déjà, on va s'écouter de la musique, mais nous allons surtout naviguer à travers les âges du rock'n'roll et de ses variantes. Donc, on va passer aussi bien des grands classiques que des morceaux récents, des morceaux connus et des moins connus. Mais on se cantonnera pas qu'au rock. On se permettra aussi d'explorer d'autres variantes, comme le hard rock, le blues, le heavy, le metal, le punk, et bien d'autres. Enfin, pour résumer grossièrement, tout ce qui est à base de guitare saturée, d'ampli à fond et de gros coups sur la batterie. Mais on agrémentera ça aussi d'anecdotes et de news concernant bien sûr le monde du rock. J'espère que vous êtes prêts pour passer un bon moment, alors c'est parti. On vient de s'écouter AC/DC avec Are You Ready, extrait de l'album The Weather's Edge, sorti en 1990. D'ailleurs, en mars prochain sera l'anniversaire des 40 ans de la mort de Bon Scott, qui fut le premier chanteur d'AC/DC. À cette occasion, le Perth Festival, donc un festival australien, pays d'accueil du chanteur et des autres membres du groupe, fermera la Canning Highway sur 10 km, la Canning Highway qui est une autoroute, afin de faire la plus longue scène de festival du monde. Pourquoi cet endroit ? Eh bien, car la Canning Highway est une autoroute que Bon Scott empruntait très souvent quand il était jeune. Et suite à une série où il y a eu beaucoup de crashs mortels, cette autoroute a été surnommée l'autoroute de l'enfer. Donc, Highway to Hell, ce qui a donné le titre à l'album d'AC/DC du même nom, en 1979. On va maintenant passer au duo états-unien de blues garage Left Lane Cruiser avec The Pusher, extrait de l'album Back in Black, sorti en 2016. We'll be right back. Nous allons maintenant écouter un titre de Patti Smith sorti en 2004 sur l'album Trampin'. C'est parti pour Gandhi. I had a dream, Mr. King, if you'll beg my pardon, I was trespassing the sacred garden, and the blossoms fell, and they dropped like candy, and on nature cried, Gandhi, Gandhi, and on nature cried, Gandhi, Gandhi. When he was a boy, he was afraid of the dark, and his mother fast and pray at his feet, and the lamp burned as he slept, slept as he dreamed. He was dreaming of his sisters, dressed in white muslin, dressed in white muslin, dancing in a ring. He was afraid of the dark, and the lamp burned, and his mother fasted and prayed as he slept, dreaming of blossoms that were burning his throat. He'd eaten the flowers, bell burning, flowers bell burning from the young girl's hair. He was whispering into his God's ear, let the children be so, let children be so. And the his mother wizard like Joe, and he laid there dreaming, and the blossoms fell, and tea like's trumpet proceeded to come, and the blossoms fell, and they dropped like the people crying, Gandhi, Gandhi, Gandhi, Gandhi, Gandhi, Gandhi. I had a dream, Mr. King, to beg my pardon, I was trespassing. On the floor, on the floor. On continue sur les chemins de l'illumination en écoutant les conseils de Ludwig von 88 avec Carmel Paga, sorti en 2019 sur l'album Disco Pogo Night. Les Ludwig von 88 qui ont sorti en octobre un nouvel album, 20 chansons optimistes pour en finir avec l'apocalypse. Pour continuer, on va passer à un groupe de rock progressif français qui tout au long de sa carrière a accumulé 6 disques d'or et plus de 6 millions d'albums vendus. Je veux bien entendu parler du groupe Ange avec A Colin Maillard sorti en 1978 sur l'album Guet-apens. Dis-moi comment ils ont repas l'hiver. Dis-moi pourquoi la neige se dérobe. Plus d'un demi-siècle à tourner dans le noir. Ils disent que je joue à Colin Maillard. Thank you. Ange, qui d'ailleurs, le 31 janvier 2020, fêtera ses 50 ans de carrière pour un concert au Trianon à Paris. On fait donc un gros bisou aux imbibés du fan clan de Ange. On poursuit avec un morceau des Who, de 1969, qui apparaît dans l'opéra rock Tommy. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire d'un jeune homme, joué par Roger Daltrey, chanteur des Who, qui après un traumatisme devient aveugle, sourd et muet. Et dans sa quête pour retrouver ses sens, il devient un célèbre champion de flipper. Dans ce film, on peut y voir des apparitions de célébrités comme Jack Nicholson, Eric Clapton, Tina Turner et Elton John, qui donc apparaît dans le film chaussé de Doc Martens géante et qui se fait détrôner de son titre de magicien du flipper par Tommy. C'est donc Pinball Wizard des Who que l'on va s'écouter. Les Who qui sortiront un nouvel album le 22 novembre, sobrement intitulé Who, un nouvel opus après 13 ans de silence, peut-être une idée de cadeau pour Noël. On passe maintenant totalement à autre chose avec Lophophora et Amnesis Story, sorti en 96 dans l'album Peu. Peu d'espoir de survie dans les camps de la mort, pire que du bétail. Je ne crois pas qu'il s'agit magistrat d'un simple point de détail. Furent bâtis les plus grands abattoirs de l'histoire, dans d'étranges laboratoires d'obscurs docteurs. Mettaient d'un point d'honneur à cultiver l'horreur, sous gros cris de douleur d'un peuple qui meurt pour la sauvegarde de la race blanche. Et le cauchemar recommence. On va maintenant rendre un hommage à un grand homme parti récemment, mais à la manière de Parabellum, avec un morceau de 1999 paru sur l'album Dans ce micro-sillon, un faisceau de lumière cohérente. Je me suis réveillé. changer, c'était la crise. La dépit pour tout un prix. Dans le frigidaire, plus qu'une boîte de chez Rouffer. Je fais appel à sa Minitel en tapant 36-15. C'était Parabellum avec Anarchie en Chiraki. Pour finir ce premier numéro de Riff Raff, on va clôturer par Paranoid de Black Sabbath, sorti en 1970 sur l'album du même nom, qui, pour la petite histoire, devait à l'origine s'appeler War Pigs, mais le label du groupe a pris la décision de changer le titre pour cause de guerre du Vietnam. Bonne écoute à tous et à bientôt. C'était Erwan dans Riff Raff sur Radio Pont, 97 FM.